Esdras chapitre 3. Or, le septième mois approchant, et les enfants d'Israël étant dans leur ville, le peuple s'assembla à Jérusalem, comme si ce n'eût été qu'un seul homme. Alors Jésua, fils de Jéhotsada, se leva avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Salatiel, avec ses frères, et ils bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir les holocaustes, ainsi qu'il est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et ils posèrent l'autel de Dieu sur sa base, parce qu'ils avaient peur en eux-mêmes des peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent aussi la fête solennelle des tabernacles, en la manière qu'il est écrit dans la loi, et ils offrirent les holocaustes chaque jour, autant qu'il en fallait, selon que portait l'ordinaire de chaque jour. Et après cela, l'holocauste continuel, et ceux des nouvelles lunes, et de toutes les fêtes solennelles de l'Éternel, lesquelles on sanctifiait, et de tous ceux qui présentaient une offrande volontaire à l'Éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel, bien que le temple de l'Éternel ne fût pas encore fondé. Mais ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ils donnèrent aussi à manger et à boire, et de l'huile, aux Sidoniens et aux Tyriens, afin qu'ils amenassent du bois de cèdre du Liban à la mer de Jaffo, selon la permission que Cyrus, roi de Perse, leur en avait donné. Et la seconde année de leur arrivée en la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Salatiel, et Jésua, fils de Jotsada, et le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient venus de la captivité à Jérusalem, commencèrent à fonder le temple, et ils établirent des lévites, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, pour presser l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Et Jésua assistait avec ses fils et ses frères, et Cadmiel avec ses fils, enfants de Juda, pour presser ceux qui faisaient l'ouvrage en la maison de Dieu, et les fils des Mada, avec leurs fils et leurs frères lévites. Et lorsque ceux qui bâtissaient, fondaient le temple de l'Éternel, on y fit assister les sacrificateurs revêtus, ayant leurs trompettes, et les lévites, enfants d'Azaph, avec les cymbales, pour louer l'Éternel, selon l'institution de David, roi d'Israël. Et ils s'entre-répondaient en louant et célébrant l'Éternel, chantant, qu'il est bon, parce que sa gratuité demeure à toujours sur Israël. Et tout le peuple jeta de grands cris de joie, en louant l'Éternel, parce qu'on fondait la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites, et des chefs des pères qui étaient âgés, et qui avaient vu la première maison sur son fondement, se représentant cette maison-là, pleuraient à haute voix, mais plusieurs élevaient leur voix avec des cris de réjouissance et d'allégresse. Et le peuple ne pouvait discerner la voix des cris de joie et d'allégresse, d'avec la voix des pleurs du peuple, cependant le peuple jetait de grands cris de joie, en sorte que la voix fut entendue bien loin.